Toi. Ouais. Moi. Ben, tu t'en allais d'ici un jour. Je sais bien pas, hein. Le gros problème avec cette maison-là, c'est qu'on est trop bien. Tu sais que j'ai eu la misère à m'en aller, moi aussi. Les premiers temps, j'étais avec l'autre dans ma maison. Je passais mon temps à chercher maman. Je pense que je l'appelais 15 fois par jour. Sors-tu un peu, au moins? Ben oui, Marguerite, ben oui. Hey, quel âge ça te fait, là? 28. 29? 29. 30, le mois prochain. T'es un âge dangereux, ça. Alors, avant 30 ans, on peut toujours faire des farces, mais... après, on commence à devenir une vraie vieille fille. On croirait entendre parler, maman. Ben, ça me soulage de voir que t'en parles. Des égales de pinot dans mon sauton. Dardon! Non, mais je suis sérieuse, tu sais. Faudrait que tu penses sérieusement de marier. Il y a notre petit Louis qui s'est marié aujourd'hui. Enfin, hier. On va s'ennuyer. Tu parles d'une idée d'aller travailler si loin que ça, toi. Tu veux pas en parler, hein? Marguerite, tu parles de me marier comme de me caser. Quand on va rencontrer celui que je veux marier, là, je vais aller te voir. Je vais te le présenter, puis on pleurera de joie toutes les deux. En attendant, pousse pas. Il est 5h du matin, les filles. J'ai plus d'enfants. C'est le fun de l'entendre. Tu l'as jamais oublié, hein? Même après 10 ans? Non. Allez, Philippe, hein, ils nous emmerdent et on les emmerde. Vas-y. J'aurais pu être millionnaire. Toi aussi. Avec piscine et vue sur la mer. Même chose pour moi. Mais je suis dans la merde. Et on vous emmerde. Sentimentalement, démissionnaire. Pas moi, mon Philippe. Professionnellement suicidaire. Tu vois, moi je suis dans la merde. Et on vous emmerde. Vous dansez, mademoiselle. Ouais, vous dansez, là, pour moi. Ça pas, non? Hey, Pouchias. Mais casse-toi, là. Hey, je vois pas que tu m'importunes. Hein. Oh, ben... t'arrêtes, va. J'aurais pu être votre amant. Ouais, c'est ça, ouais. Et caresser vos seins blancs. Oui. Mais je suis une merde et je vous emmerde. Ouais, bah moi aussi je t'emmerde. Petite connasse. Va te faire voir ailleurs. Vous dansez, mademoiselle. Alors tu danses? Qu'est-ce qu'il veut, ce connard, hein? Petite connasse. Je vais te casser. Va te faire voir. Mademoiselle, ne me prenez pas sur ce ton. Ouais. Alors tu retrouves. Comme une connasse de premier ordre. On les aime parce qu'on peut les remplir. Vas-y Philippe, à toi de combler. Moi je suis un poète et bon, je aussi. Vous emmerde. On vous emmerde toutes les connasses. Ouais, poète, poète. J'emmerde la terre entière, ouais. Ouais, je suis un poète. C'est pas vrai. Poète, poète, poète. Poète, poète. Et regarde-toi. Allez, va, va-t'en. Petit. Sois gentil. Ça. Casse-couille. Baissez, va. Coca-Cola, va. Ouais. Plémolie. Demi. Demi-plémolie. Mais enfin, mademoiselle, enfin, je ne comprends pas. Ils sont là, là. Mépris. Il y a moi, il y a Philippe. Puceau, va. Ah ben, va. Tu veux que je continue à t'insulter, mais pourquoi tu restes là? Oh, elle est sale. Allez, va-t'en. Les câbles sont. Tu chantes, tu poètes, tu emmènes, va-t'en.